Alors, bienvenue à nouveau pour une seconde, une troisième émission, en fait, de Laval Fan cette année de 2008. Encore toujours au poste, on a fait les frères la marche, hein? En fait, moi-même, Philippe et Charlie. Yeah, salut Phil. Salut Charlie. Hey, on est dans une ambiance champêtre ce soir. Bon, aujourd'hui, je dirais même que ça fait champêtre, presque tailgate. Okay. Parce qu'on est installé dehors, puis on fait ça, c'est pas compliqué, dans le fond de la cour chez nous. Moi, je dirais que ce soir, on fait ça cool. Oh! Puis là, je te vois aller avec ton petit cool. C'est parce qu'aujourd'hui, on a comme invité Cool Ben. Donc, salut. C'est vrai que l'ambiance est très décontractée. Décontractée. On a réussi même à avoir des maringouins. Ouais, oui, on les a décongelés. Puis on les a réveillés. Écoute, il faut en profiter de temps en temps. Donc, effectivement... Écoutez, on reçoit à chaque semaine, c'est différent. La semaine passée, on avait Jean-Philippe Gilbert. La semaine précédente, on recevait... voyons, pourquoi j'ai toujours des problèmes de mémoire? Luc Brodeur. Puis en plus, il y en a qu'il ne faudrait pas que je niaise. C'est bien lui. Et cette semaine, on reçoit Ben. Écoute, pour commencer, moi, c'est sûr que là, mon intérêt étant devenu de plus en plus familial, j'aimerais, je suis curieux de savoir comment ça se passe, la petite famille. Est-ce que tout le monde va bien? Marcher dans pas long, puis elle dit ses premiers mots, puis heureusement pour moi, son premier mot, c'était papa. Je suis bien content de ce côté-là. T'es chanceux. Un petit bête avec ma blonde, puis je l'ai gagné, que je suis bien content. Puis elle arrive à quel âge? Elle a 11 mois. Avant 11 mois? Le 17 octobre. Ça s'en vient à grands pas. Puis arrives-tu à bien concilier quand même vie de famille, football, travail? Écoute, c'est sûr que c'est tough. Chez elle, le fait que ma blonde, elle a pris des cours à distance. Là, okay. Cet été, j'ai travaillé 7 jours semaine, quasiment tout l'été. Fait que c'est sûr que ça me donne pas grand temps pour passer à la maison. Puis là, pendant le foot, disons qu'il n'y a pas bien plus de temps. Non, c'est ça, j'imagine. Puis même durant l'été, je présume que tu parles du travail, mais est-ce qu'en même temps, tu continues une préparation physique aussi pour le football? Je finissais de travailler à 4h30, puis je m'entraînais jusqu'à 6h. Je rentrais chez nous à 6h30 pour le souper. J'avais ma petite heure avec ma petite. Donc ça, c'est même plus tough pendant le foot, puis j'arrive chez nous quasiment à 7h30, ce qui est à peu près son heure de dodo. C'est un peu poche de ce côté-là, je la vois un peu moins, mais j'ai quand même 2 journées de congé, mardi, mercredi, fait que ça me permet d'être pas ça. Tu réussis à en profiter, à être avec elle et tout, puis écoute, je te parle de la préparation physique de cet été, parce que dès le début du camp d'entraînement cette année, ça a été unanime sur nos forums, tout le monde s'est demandé « qu'est-ce qui s'est passé avec Ben? » Écoute, même Charlie en avait mis des photos. T'as perdu du poids. C'est, on a vu que tu t'es mis vraiment en top shape cette année. Là. Ouais, ben, j'ai un métabolisme un peu spécial, je dirais. Je suis quelqu'un qui prend du poids rapidement, mais qui en perd aussi très aussi facile. Puis... c'est sûr que quand je me suis blessé l'an passé, le fait d'être sur la touche quasiment toute la saison, ça a fait que j'ai repris un peu de poids. Mais, dès que ma cheville est revenue à 100%, puis j'ai recommencé l'entraînement. Je suis revenu à mon poids santé. Puis là, tu te sens parfait. Je veux dire, la cheville, il n'y a plus de problème. Tout va super bien. C'est sûr que l'épaule est revenue à 100%, mais tu sais, quand tu as des blessures de 2 fois la même épaule, ouais, c'est ça, ça ne revient pas totalement comme elle était avant, mais non, il n'y a pas de problème à ce côté-là. Puis le rythme football, de recommencer vraiment, lancer le ballon régulièrement, l'entraînement et tout ça, ça revient bien aussi. J'avais un surplus de poids, oui, mais j'avais pas couru du tout l'été. Je finissais de travailler à 9h. Fait que juste le fait d'avoir couru, juste le fait que ton métabolisme est habitué à courir et à faire de l'exercice, là, je pense que ça a été toute la différence. Pas nécessairement, même si je me représentais au poids que j'avais l'an passé, j'aurais été plus prêt à jouer étant donné que j'avais vraiment que tout était, ouais. Sinon, les articulations, ton corps n'est vraiment pas prêt, tandis que cette année. J'étais good to go. As-tu l'impression que justement ça fait de toi un corps plus mobile cette année? As-tu l'impression que les choses ont changé? Là, ça va être ta 4e année. Puis... c'est sûr. Cependant, je me considère pas comme un gars qui court, mais juste de gagner du temps. Je pense que c'est là la clé. C'est ce que j'avais parlé beaucoup avec Justin durant l'hiver, que lui avait remarqué. C'était de gagner du temps ou juste ma mobilité dans la pochette protectrice. C'est là vraiment qui est la différence. Pouvoir t'installer, puis prendre place. Puis, des fois, tout simplement, juste déborder, puis c'est, ça me donne 2-3 secondes de plus pour trouver un receveur libre. Dis-moi, Benoît, parlant de ton physique, souvent, on le dit, t'es pas un grand corps arrière, t'es un petit corps arrière avec des bonhommes comme Pascal Baillargeon, avec des gars comme David Bouchard, Luc Brodeur-Jourdan avant toi. C'est pas toujours évident de voir par-dessus la ligne, voir qui est là. Je pense qu'on t'a souvent, c'est dur mais de dire, mais reprocher ta grandeur. Comment est-ce que, sérieux, toi, en tant que joueur, comment est-ce que tu compenses ce fait-là sur le terrain? Ben, je pense que la formation shotgun, c'est le quoi qui aide beaucoup un corps arrière comme moi qui est un peu plus petit. Le fait de recevoir le ballon 5 verges dans la ligne de mêlée, ça me donne beaucoup plus de un meilleur champ de vision pour trouver mes receveurs puis pouvoir lire la défensive. Fait que c'est sûr que si je travaillerais en dessous du centre, d'après moi, ça l'amènerait plus de difficultés. Ça serait plus dur un peu. Exactement. Puis comment tu le trouves, ton groupe de receveurs cette année? Moi, je suis venu à Laval, premièrement, parce que je savais que j'allais être bien entouré à chaque année. Puis il n'y a rien qui change. Depuis ma première année, les Roméo, des gars qui sont partis CFL, puis maintenant, des gars comme Fioli qui rentrent, je pense que la force de Laval, c'est de recruter les meilleurs joueurs à chaque année. Puis, je regarde à toutes les positions. Il n'y a pas grand faiblesse dans cette équipe-là. Il reste juste à exécuter tout le monde ensemble. As-tu encore le feeling que vous pouvez aller aussi loin cette année que par les autres années avec l'équipe? Ou même peut-être le feeling que tu as encore une meilleure équipe avec toi que peut-être même les autres années? Je te dirais qu'à chaque année, j'ai eu le feeling qu'on pouvait se rendre jusqu'au bout. Défaite en 3 ans, fait que c'est sûr que quand tu perds juste une game dans une année, tu as le feeling que tu peux te rendre. Tu peux toujours aller loin. Puis je regarde ma première année 2005, défaite crève-cœur contre Saskatchewan. Je veux dire, ça a fini 29-27, mais cette partie-là aurait pu retourner des deux côtés. Puis 2006, la Coupe Vanier. Sur l'an passé, à Sainte-Marie, ça a été tough. Probablement le pire match que Laval a joué depuis moi. Je suis à Laval. Mais shit happens, comme on dit, des choses qui arrivent. Je veux dire, on faut juste tourner la page puis passer à d'autres choses. C'est ce qu'on a fait en début de saison. Puis je pense que nos objectifs sont encore clairs cette année. C'est la Coupe Vanier, puis c'est ce qu'on vise. Hey, parlons-en justement de 2005. Tu abordes le sujet. Moi, je voulais l'aborder avec toi. Tu arrives là, corps arrière recrue. Tu as un gars devant toi qui s'appelle William Leclerc, qui a été le backup de Mathieu Bertrand longtemps, qui a fait une année seul, qui a amené le Rouge et Or, on le sait, très loin. Tu te retrouves là, réussis à le déloger. Comment tu as vécu ça cette année-là, pas mal de 2005? C'est une grosse transition là, quand même. Bien sûr, moi, quand je suis arrivé à Laval, je vais te donner mon cheminement un peu. Moi, quand je suis arrivé collégial, j'ai fait le camp au Vieux-Montréal, puis à Grasset. Puis, je me suis dit, si au Vieux, je suis deuxième, ben c'est sûr que je vais au Vieux. Parce que moi, je voulais choisir la meilleure place. Le Vieux-Montréal venait de gagner le cégep, le bol d'or pendant 2001. Puis, c'est ce que j'ai fait pareil avec Laval. Laval venait de gagner la Coupe Vanier en 2004. C'était le gros programme dans la Conférence Québec. Fait que je me suis dit, moi, je vais aller à meilleure place, puis je vais faire mon chemin là. Puis, tu parles de William. C'est sûr que William est un gros nom, mais même moi, quand je suis rentré, j'entendais quasiment plus parler de Steph Larosière, qui était le next big thing, qui était le prochain. C'est vrai. Un next to be, puis... Exactement. Fait que, ça a été un peu un feu de paille aussi, là. Sûr, Steph... un feu de paille, il y a eu des blessures, ça ne l'a pas aidé. Après ça, un peu comme moi, il a pris du poids, fait que ça l'a encore moins aidé. Il n'a pas réussi à le reperdre, fait que c'est sûr que ça l'a nu un peu. Mais le fait que je suis rentré dans le système puis que j'ai eu mon opportunité, William même il avait été malade durant le camp. César avait une infection à un orteil. Puis Stéphane, il n'était pas habillé parce que c'était pas sûr qu'il allait passer ses cours. Fait que je me suis retrouvé dans un camp d'entraînement. Au lieu d'avoir 5 corps arrière, il y avait juste moi puis Jean-Frédéric Gagné qui était le troisième à ce moment-là. Fait que c'est sûr que j'ai eu beaucoup de répétitions. J'ai eu la chance de me prouver pendant tout ce camp-là. Puis c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Puis après ça, le premier match est arrivé contre Montréal, j'ai pas joué. Après ça, contre McGill, je pense que Justin il s'en voulait un petit peu de ne pas m'avoir fait jouer. Fait qu'il y a eu la mèche courte, avec William. Il a lancé une interception au milieu du deuxième quart, puis il a décidé de m'embarquer tout de suite. Puis ça a bien été ce match-là. Par la suite, William a restarté contre Bishop. Puis William a eu une commotion au premier quart. Je suis embarqué, puis j'ai été joueur de la semaine au pays. Puis à partir de là, la semaine d'après, j'ai été partant contre Sainte-Marie. Puis ça a été mon premier départ, on a gagné. Fait que je pense que c'est, ça a été toutes des circonstances qui m'ont aidé beaucoup à gagner mon poste, là, surtout le fait qu'on était juste deux carrières au camp, puis que William ait eu une commotion aussi. Ça m'a permis de prouver ce que j'étais capable de faire. Mais là, cette année, vous êtes encore trois excellents carrières. Est-ce que tu as le feeling d'avoir de la pression par César, entre autres, ou justement, tu as l'impression que vous êtes une petite équipe de carrières, puis je veux dire que c'est les trois ensemble que vous allez mener la barque jusqu'à la toute fin? C'est sûr qu'on est une équipe de carrières, premièrement, mais plus que dans les autres années, certainement que j'ai senti la pression plus cette année, premièrement à cause de la saison l'année passée, en 2007, que j'avais été blessé beaucoup. Puis César, c'est un gars qui a été excellent en 2007, puis qui s'est amélioré tout au long de ses quatre années, puis s'est rendu un des très, très bons carrières dans la conférence, même s'il est deuxième. C'est un excellent corps. Puis dans le camp, les coachs, ils prenaient nos statistiques, puis tout, puis les deux, on était pas mal égal. Fait que c'est sûr, de ce côté-là, je sentais la pression. Puis même là, c'est sûr que je la sens un petit peu moins, étant donné que mes premiers matchs ont bien été. Ça a bien été. Il suffit d'un mauvais match, puis que César en bas, qu'il fasse bien pour ramener cette pression-là. Fait que c'est sûr que je peux pas le laisser aller de ce côté-là. Donc, ça veut dire que depuis le début de la saison, toi, tu te sens super à l'aise avec la performance que vous avez eue. On s'est toujours bien entendu les trois ensemble. Fait que c'est sûr, de ce côté-là, il n'y a pas de stress, vraiment, même avec Bruno. Puis César, notre relation a toujours été excellente. Fait que, entre les joueurs, il n'y a pas de froid. C'est sûr que on sait que tout le monde veut jouer, on ne se le cachera pas. César, c'est sûr qu'il aimerait ça être partant, puis je le comprends, puis je serais pareil à sa place. Fait que non, il n'y a vraiment aucun stress de ce côté-là. Hey, cette année, Benoît, tu as une unité de receveurs qui est franchement phénoménale. Une unité de choix. Regarde, faisons le tour un peu. Mathieu Bouvette, le petit nouveau cette année, le petit 88, il a l'air encore d'un kid. On aurait dit qu'il sort du secondaire, Mathieu. Il me fait vraiment rire. Je le trouve super sympathique. C'est ça, quand même, une bonne shape pour un gars qui sort du secondaire. Oui, effectivement. Tu sais, babyface encore un peu. Mais son premier match, quel catch il a fait, ce match-là. C'était incroyable. Impressionné. En Floride, il y a eu un excellent camp. Je pense que c'est là vraiment que les coachs l'ont remarqué. Puis ça a continué depuis le début de la saison. C'est sûr qu'avec le retour de Laurent, il y a eu peut-être un peu moins d'action. Mais c'est un gars qui va être prêt à aller sur le terrain, à la guerre n'importe quand. Puis si on fait le tour aussi, le retour cette année de Matt Leblanc qui a joué deux parties l'année passée, qui a été notre grand collaborateur. Notre grand collaborateur, oui. Merci encore, et Matt. Présentement, Matt aussi est mon agent de booking pour Laval Fans. Je le remercie beaucoup. Vraiment, on y doit. On a-tu des chèques, Philippe, Laval Fans? Non, okay. Non, ça s'en vient. Un but très non lucratif. Oui, très non lucratif, effectivement. Matt Leblanc revient cette année. Laurent, évidemment, qui a un camp professionnel derrière la cravate, t'as vraiment l'embarras du choix, là. Ah, c'est clair. Depuis le début que je suis à Laval, je pense que j'ai eu l'embarras du choix à chaque année. Puis cette année, il n'y a aucun changement de ce côté-là. Matt, c'est un gars qui apporte tout le temps de quoi de positif. C'est un gars qui est tout le temps, qui se marre tout le temps content. Puis c'est un gars qui joue au football depuis 6 ans comme moi. Fait que les systèmes de jeu, c'est un gars qui comprend très bien, puis qui peut aider les plus jeunes à mieux comprendre. Puis c'est sûr que de ce côté-là, avoir Matt sur le terrain, c'est toujours plaisant. Puis le fait qu'il joue à Z, cependant, il y a un petit peu moins de ballons vu qu'il est receveur espacé côté long souvent. Mais Justin essaie de le déplacer, essaie d'y donner un peu plus souvent le ballon. Puis moi, quand je peux aussi, on essaie d'y mettre le ballon dans les mains. C'est un gars qui est toujours dangereux après le catch aussi. Fait que Matt, toujours content de travailler avec lui. Toujours prêt. Puis, bon, on parle de l'équipe de receveurs de passe. Là, Charlot, je ne sais pas si tu voulais rajouter encore là-dessus sur les receveurs de passe. Ben oui. Mais moi, je pense entre autres beaucoup aussi à l'équipe des la ligne offensive. Parce que je pense encore cette année, est-ce que tu as eu des sacs contre toi cette année? Peut-être pas beaucoup. Ouais. Mais je pense que cette année, l'offensive, là. De réussir à t'installer, de préparer. Puis, y a-tu des défenses que tu vas craindre plus que d'autres? Là, c'est sûr que cette année, vous avez commencé avec les Carabins. C'était peut-être. Bon, c'est dur à dire, mais c'est peut-être la la plus dure des défensives que vous avez connues, que vous allez peut-être même connaître cette année, non? C'est la meilleure défensive après nous dans la conférence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que leur force, c'est quand ils réussissent à mettre de la pression à quatre joueurs. Quand juste à 4 D-line, tu réussis à mettre de la pression puis que tu gardes tous tes demi-défensifs en couverture, c'est là que ça devient très positif pour ta défensive. Contrairement à Concordia, que eux, c'est plus une équipe qui vont blitzer beaucoup puis qui vont rentrer beaucoup de monde. Fait que ça fait moins de personnes en couverture, fait que ça fait plus de trous pour nous autres. Mais les Carabins, quand ils réussissent à mettre de la pression avec leurs 4 D-line, sont très difficiles. Ils sont dangereux, c'est ça. Hein? Puis, encore là, tu parles de Concordia. Là, vous avez déjà fait un match contre Concordia. Vous allez rejouer encore dimanche contre Concordia. Pour toi, est-ce que ça change un peu ta façon de te préparer? Pour les joueurs, pas vraiment. Je te dirais, c'est surtout pour les entraîneurs. Question de cacher certains jeux pour la partie d'après, être sûr qu'ils ne les voient pas sur vidéo. C'est certain que les entraîneurs ont beaucoup d'ajustements à faire. Pour les joueurs, un peu moins. Nous, on fait tout simplement... ce que les coachs nous disent de faire, puis on suit le game plan à la lettre. Puis, non, pour les joueurs, il n'y a pas vraiment de différence. Playbook offensif du Rouge et Or, ça peut être combien de jeux, ça, au juste? Ça peut être combien de jeux? Notre livre de jeu fait à peu près 200 pages. Juste ça? Juste ça. c'est sûr que souvent, c'est ce que j'aime du système à Laval, c'est qu'on a les mêmes concepts, mais qui se font sous plusieurs formations. Fait qu'on peut avoir juste 4 receveurs sur le terrain, puis rouler un certain jeu, puis avoir 6 receveurs sur le terrain, on roule le même jeu, c'est les mêmes lectures pour le corps arrière, le même concept. C'est juste que pour la défensive, c'est complètement différent lorsqu'il y a 6 receveurs sur le terrain ou lorsqu'il y a 2 porteurs dans le champ arrière. Mais pour le corps arrière, ça reste les mêmes lectures. Fait que c'est certain que de ce côté-là, ça nous facilite la chose. Puis, dis-moi une question. Depuis le début de la saison, c'est arrivé que... Là, c'est une question qui me vient spontanément comme ça, là. Si je me trompe pas, là, dans le premier match, deuxième match, en tout cas, regarde, peu importe, mais je pense que tu as appelé quelques temps d'arrêt assez tôt dans la partie. Oui, contre Montréal. C'est une question, oui, c'est ça, c'est vraiment une question de néophyte, là. Est-ce que c'était question de justement, call avec Justin, de se replacer, de se réorganiser, puis... C'était des nouveaux signaux, des nouveaux jeux au sol qu'on avait rentrés. Il y en a une fois que c'était moi qui avais carrément oublié le signe. OK. J'avais calé un timeout tout simplement, puis je m'en rappelais plus. Puis, ouais, 200 jeux, c'est correct. Oui, mais c'est ça se peut que ça soit le seul. C'est juste que... Les autres, je pense que c'était une formation. En tout cas, je ne suis pas certain. Là. Je me rappelle qu'il y en a un, en tout cas, que j'avais complètement oublié le signe. OK, parce que... Parlant de signaux, on voit souvent Justin Étier. On n'est pas toujours sûr des signaux qu'il fait sur les lignes de côté. C'est un gars qui a un tempérament quand même assez bouillant. Quand on le rencontre avec les médias, c'est un gars qui est super relax, très cool, en contrôle de ses choses. Souvent sur le terrain, ça a l'air d'être un gars qui est hyper, hyper exigeant. Comment c'est de travailler avec Justin? Ben moi, Justin, je l'adore. C'est une des raisons pour que je suis venu à Laval aussi. Justin, quand moi, je suis rentré collégial, j'ai fait le camp à Grasset, puis au vieux, un peu comme je disais tantôt. Puis avec les grands joueurs qu'on avait recrutés à Grasset, il y avait Jeffred Tremblay, Mathieu Proux. Justin, il se déplaçait à ce camp-là. Fait que lui, il m'a vu aller dès mes départs au collégial. Après ça, il revenait au vieux Montréal faire son tour, étant donné que c'était un ancien entraîneur du vieux. Fait que déjà là, j'avais une bonne complicité avec lui, même de travailler avec lui dans les teams Québec, puis les camps, les teams Canada, puis tout ça. J'ai toujours adoré travailler avec lui. Puis sur Justin, il y a un peu, pas deux personnalités, mais c'est deux personnes. T'sais, sur le terrain, c'est un Justin différent que Justin en dehors du terrain. Comme tu disais un peu, Charlie, Justin en dehors du terrain, c'est un gars vraiment calme, toujours relax, en contrôle de ses émotions. Puis sur le terrain, c'est un perfectionniste. Puis je peux être 33 en 34, mais l'incomplète, il va m'en mettre d'en face. Il va te la rappeler. C'est une de ses très bonnes qualités. Peut-être de l'extérieur, le monde peut percevoir ça négativement. Mais quand tu coaches des programmes comme Laval, il faut que tu apprennes dans la victoire. T'sais, qu'il faut que tu sois capable de te corriger tes erreurs, même si tu as gagné 47-1 comme contre Kalia. Fait que c'est ce qui fait de lui un excellent entraîneur, le fait qu'il soit capable de... Tu sais, comme il disait un peu dans un de nos meetings, Moi, je suis pas là pour vous dire « Oh, Julian, nice move. Oh, tu l'as shaky. Good job. » Je suis là pour te dire qu'est-ce que tu as mal fait pour que tu deviennes un meilleur joueur. Puis c'est peut-être pour ça que de l'extérieur, il a l'air de ce qu'il a l'air. Mais en tant que joueur, on apprécie vraiment ce qui est. Moi, je te dirais que même comme spectateur, j'adore voir Justin travailler parce que j'ai l'impression que justement, c'est un gars combatif, combattant, puis qui veut, il veut la victoire à tout prix. Là. Je veux dire, on le voit là, qu'il est, il est prêt, là, lui. Là. C'est de l'entendre sur les lignes de côté. Moi, je suis là tout le temps, puis de l'entendre, c'est pas toujours très, très chic, là, mais tu vois que c'est un gars intense. C'est correct. Ça. Exactement. Il est intense, puis c'est vraiment un perfectionniste, puis il va aller chercher le meilleur de tous les joueurs qu'il y a. Moi, je trouve ça bien correct, puis je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a aucun problème avec ça. Oui. Vas-y, Charlie Benon, là. J'ai l'air d'avoir une idée en tête, là. Ben oui, mon idée en tête, c'est que dans le fond, je trouve que d'une certaine façon, c'est une belle préparation aussi. Peut-être si tu as des aspirations professionnelles ou, je veux dire, par rapport à, mettons, la Ligue canadienne de football, on le sait, là, il y a le salaire qui est en jeu et tout, il y a un paquet de trucs. J'ai l'impression que tout le monde a de la pression. Je pense que ça peut être une bonne école, comme ça, avec Justin. Que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, quand tu as une organisation de champions comme la balle su bâtir année après année, c'est sûr que tout le monde s'attend à des grands résultats, puis tout le monde s'attend à la Coupe Bannier à chaque année. Fait que c'est sûr que nous, si on ne gagne pas la Coupe Bannier, ben pour nous, c'est une mauvaise année. Pour certaines équipes, se rendre en demi-finale canadienne, ça serait un exploit, ça serait une bonne saison. Mais pour nous, c'est un échec parce qu'à chaque année, on vise la Coupe Vanier. Puis que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, on vise tous le même but. Puis c'est pour ça que quand on perd en demi-finale, bien, qu'on n'est pas satisfait de notre saison. Mais ça te plaît comme genre de pression? Moi, j'adore ça. Au Cégep au Vieux-Montréal, j'ai eu 3 championnats. Fait que c'est sûr que moi, c'est ce que je vise à chaque année. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis venu à Laval, parce que je savais pouvoir aspirer à la Coupe Vanier à chaque année. Fait que c'est sûr que je regretterai jamais mon choix d'être venu ici. Puis c'est un peu pour ça que j'ai choisi Laval. Comment tu trouves ça affronter ton ancien coach? Oh, mon ancien coach, c'est spécial. J'ai vécu dans mes 2 premières années affronter mon frère. Ça a été de quoi d'encore plus spécial. Mon frère qui jouait pour les Carabins de l'Université de Montréal, en plus qui était receveur. Ça aurait été belle fun pour moi de travailler avec lui. Mais regarde ce qu'il y avait à Laval. Puis mon frère, il était pas fou non plus. Lui-même n'a pas voulu trop m'en parler pour ne pas m'influencer. Étant dans le domaine, il savait que Laval, c'était le meilleur programme de football. Fait que c'est sûr, de ce côté-là, il n'a pas voulu trop m'influencer dans ma décision, étant donné que moi, c'était un choix pour 5 ans, puis que lui, il en restait seulement 2. C'est sûr que ça aurait été très plaisant d'y lancer des ballons, puis mes parents auraient bien aimé ça aussi, je suis certain. Mais là, les 2 premières années, ils comptaient pour l'offense. Fait que quand l'offense est sur le terrain, ben mes parents criaient tout le temps offense. Aviez-vous joué ensemble au cégep, ou vous avez jamais joué ensemble? J'ai joué un an avec lui, vraiment, quand on était vraiment jeune, j'avais 7 ans, puis il avait 10 ans, étant donné qu'il était plus léger, il jouait à une catégorie plus basse, étant donné que quand on était à Tombe, il y avait des catégories poids et tout, mais non, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de jouer avec. Ça, à Québec, on ne connaît pas ça encore beaucoup, le football civil à Montréal, c'est très fort pour avoir demeuré à Pierrefonds, là. Je me souviens de voir les petits culs de 6-7 ans, j'étais un se promener avec les épaulettes puis le casse. Ça a été une bonne expérience pour toi? Ah, certainement, en plus que mon père m'entraînait dans ce temps-là, fait que mon père était coach. C'est sûr que quand mon père n'était pas coach, par exemple, j'avais plus le ballon. Si mon père, c'était vraiment quelqu'un d'axé sur l'esprit sportif. Puis, jamais vu au football, on faisait notre cadence en français, puis on collait les jeux en français. Fait qu'un dive, c'était plongeon. Tu jouais où? C'était guide. Fait que je jouais pour les Cowboys de Laval. Ah oui, ben oui! Pierrefonds, on jouait un peu moins contre eux. Nous, on était dans la Ligue de Laval. J'ai vu les Cowboys. J'ai demeuré à Laval aussi. J'ai vu les Cowboys aller dans le coin. Exact. Fait que non, ça a été des super belles années. Je jouais porteur de ballon dans mes premières années jusqu'à 12 ans. À 12 ans, je me suis disloqué l'épaule. Puis j'ai tout lâché. Je faisais baseball, football. Je faisais de l'athlétisme aussi. C'est pour ça que j'étais porteur de ballon. J'avais beaucoup de vitesse dans ces années-là, puis le fait que je me suis disloqué l'épaule, j'ai complètement tout arrêté, fait que je suis revenu, puis je suis tombé à corps à ce moment-là. Écoute, Là, évidemment, le temps file, hein? Comme à toutes les fois, quand c'est trop intéressant, ça va trop vite. Je sais que c'est la soirée sushi ce soir. Alors, on va être sûr que les sushis vont être encore frais quand tu vas t'y rendre tantôt. On tombe dans la portion musicale, la portion que Charlie adore. Avant de te laisser, Ben, une dernière question pour toi. Intervention sportive, tu nous as dit qu'avec Laval, tu as signé un contrat de 5 ans. Tu viens de nous dire ça tout à l'heure. Donc, on va te revoir l'année prochaine. T'es bien installé à Québec? Est-ce qu'on va te voir à Québec dans 3, 4, 5 ans encore ou tu risques de retourner vers chez vous? On verra, tout dépendant les offres d'emploi que je vais avoir en sortant d'ici. C'est sûr que si j'ai pas de camp dans CFL, moi, coacher à Laval, c'est de quoi qui m'intéresserait beaucoup. Étant donné que je connais très, très bien le système puis que je suis très à l'aise à travailler avec Justin, c'est sûr que ça serait de quoi que j'adorerais. Je viens de m'acheter un jumelé à Saint-Émile, fait que c'est sûr que je suis bien installé, comme tu disais, Charlie. Mais je vais voir rendu là, dépendant de qu'est-ce que j'ai comme offre, mais c'est sûr que ça m'intéresserait. J'espère qu'on va le garder. Ben oui. Portion musicale, Charlie, maintenant. Yes, écoute, la semaine passée, on a eu quoi, donc, avec Luc? Qu'est-ce qu'on avait eu? Alan Jackson. Avec Luc, voyons. J'essaie de me souvenir, c'est quoi la tune qu'on a eue avec bon. Luc? C'était bon, mais c'était rock. Oui, c'était très écoute, rock. Écoute, ça ne me revient pas le nom, mais je me rappelle la semaine passée, ça c'est clair. Oui. Puis la semaine passée, on a eu magnifique Alan Jackson. Alan Jackson, moi je suis devenu fan complet. Sur Facebook, j'ai même été m'inscrire dans un groupe de fans. T'as acheté l'album sur iTunes. Non, pas l'album, la discographie complète. Ça fait à peu près, je sais plus, je pense que j'ai une dizaine d'albums maintenant. J'ai même pas fini de faire le tour encore. Je pense que Jean-Philippe, il aurait peut-être un petit gilet pour toi. Il se promène souvent dans l'arcade avec son chandail. Everybody loves a country boy. Donc, je pense que c'est très représentatif de la petite tune dont vous parlez. Puis là, j'ai vu Étienne Légaré tantôt, puis il attend de venir pour nous faire jouer du vrai stock de Beauceron, ça a l'air. Excellent. Là, on a de la variété. Ouais, c'est bon. Justement, écoute, on parlait de variété. Ben, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Moi, on va varier. Moi, je suis plus côté hip-hop. Fait que je vous amène I Put On de Young Jeezy avec Kanye West. I Put On, Young Jeezy, Kanye West pour Ben. Ben, bon match. Merci beaucoup les boys, ça fait un plaisir. Ben merci à toi, puis écoute, bonne poursuite de la saison. Merci beaucoup. Music. Dedicated to all my hustlers. I'm full of heat, this right here is automatic, man. Understand that. We gotta do what we gotta do to survive, man. From the boss. From the boss. Remix, baby. I put on for my city, on for my city. H-T. I put on for my city, on for my city. Sure. I put on for my city, on I do my it city. For the streets. Every time I hit the streets, the gutter asks me what the fuck it do. I tell them it ain't nothing, just foreign and swangers coming through. I might not get the same publicity that rappers do. Look, nigga, fuck TV, bitch, I get money like these trappers do. King of the streets, that's what the business is. Just like this drop that murdered the top and left the block without no witnesses. Motherfuck what your feelings is. Haters in a bad mood. My swagger fuck up niggas like my jury got an attitude. Two choppers and these goons throwing gang signs. To be enough to have the paramedics trying to wipe you down. The same gangster but the haters, it's a new year. Acting like Houston gonna tell them dick suckers I'm right here. I be that nigga named Luda, give a round of applause. They say I'm up to no good, I say I'm down for the cause. Down for whatever goes down, I'm strapped down to my drawers. So if more girl, more blocks. We grind, I shine. See that? That's mine. Old school costs more than your new school. But my money way more than you used to. She with me, can't you tell? Gucci bag, name Chanel, Louis this, Fendi that. In my jeans, 20 stacks, 20 foes. All I know, send the gold, selling dough, living life, getting. shoot, don't hook it, huh? Don't flash your lights, cause me and Jody passing blunts like we pass the mic. I'm after nice, DA's after me. Bitch, I'm a boss, I can increase your salary. Locked up in ATL, for getting blunted. Straight out of Fulton County to Magic City Mondays. Blowing money, throwing money, it's snowing money. These bitches should lay down and make a snow angel. Let the bitch suck my dick, now her throat famous. Her throat famous. Home for my city, home, home for my city. I put on for my city, home, home for my city. Put on. No more, you get that big fame on me, and you just change on me. You can ask big homie, man, the top. So lonely, so lonely. Let me see what we have tonight. What we have tonight? I'm high as a satellite. Satellite, I see those flashing lights. Flashing lights, cause every night. Every night I put on, I put on for my city, on, on for my city. I put on for my city, on, on for my city. Put on east side, put on south side. Non, mais ça fait du bien, mais en même temps, je t'avoue que je détestais pas l'idée du country de la semaine passée. Là. On a vu ça, Ben, t'as apprécié? Oh, puis c'est vrai, Ben est parti. Hein? Il est parti à la course au sushi parce que, moi, ce que vous savez pas, c'est que dans le fond, on est en train d'enregistrer. Il était à peu près 7h05 quand on a commencé. On a terminé à 7h35. Puis Ben, pour avoir des sushis frais, doit arriver avant 8 heures au métro pour aller chercher les sushis pour sa douce. La preuve qu'il n'y a pas juste les gens de la Valfans qui ont besoin de Airlos, les joueurs aussi. Les joueurs en ont besoin. Bon, ben écoute, Charlie, on est rendu à la portion où écoute, on n'a pas le choix, là. Il faut faire le tour pour la fin de semaine prochaine. Yes. Parce qu'il y a encore. Autant je trouve qu'on a été gâtés la semaine passée, la fin de semaine passée, cette semaine, ben, c'est encore des beaux matchs de prévu. Le premier match, je pense qu'il faut parler. La bataille de l'Estrie. La bataille de l'Estrie, absolument. Et les cantons de l'Est. Contre Bishop. Contre Bishop. Est-ce que le Vert et Or vont continuer sur leur belle lancée? Moi, je suis persuadé que le Vert et Or, là, premièrement, doivent être gonflés à bloc. Ça, c'est déjà une chose. Je pense aussi que de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu voir en termes de statistiques, le Vert et Or est aussi une équipe qui est assez bien balancée. Ce qui semble pas être totalement le cas du côté de Bishop. Ah, effectivement. Je pense que le Vert et Or ont trouvé la recette qui fonctionne présentement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils boivent présentement, mais non, je pense que c'est tout simplement du gros travail, de l'acharnement, des bons recrutements, des bons coachs en place, des bonnes politiques, et ça fonctionne. En fait, moi, je te dirais que sur certains points, ça me fait quand même penser un peu à Laval dans les débuts. À partir du moment où Laval a commencé à goûter à la victoire, je me rappelle que Laval n'était plus tout à fait la même équipe. Puis je dis ça sans penser que, écoutez, le Vert et Or n'a pas eu de succès. C'est que là, enfin, le Vert et Or a eu un succès contre une équipe vraiment de premier plan, les Carabins, pour lesquels, en plus, après leur affrontement contre Laval, on parlait réellement de la meilleure défensive, peut-être dans le circuit universitaire québécois, et un des bons systèmes défensifs là, du Canada. Puis, moi, franchement, je trouve que le Vert et Or a connu une progression beaucoup plus logique que ce que les Carabins ont connu à leur début. On se souvient, les Carabins ont eu une première année, effectivement, bon, de misère, mais ensuite, se sont mis à gagner quand même assez rapidement, tandis que le Vert et Or a vraiment eu une pente beaucoup plus douce, beaucoup moins abrupte que ce que les Carabins ont monté, mais toujours constante, toujours de l'amélioration, de l'amélioration, de l'amélioration, et aujourd'hui, ça paye. Puis même, je te dirais, au niveau des coachs, la façon dont ça s'est passé, on sent que c'est un changement qui s'est fait beaucoup plus délicat, plutôt que d'une cassure après Jacques Dussault avec les Carabins. Donc, si on parle de poule, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est certain que j'ai donné la victoire à Sherbrooke. Puis l'autre raison, c'est que j'ai... Je ne sais pas comment Jamal Lee va réussir encore à peut-être faire encore une performance aussi exceptionnelle que la dernière. Je me dis, écoute, sérieusement, j'ai de la misère à y croire. Il doit être encore brûlé du demi-marathon qu'il a couru la semaine dernière. C'est sûr qu'il doit être raqué et avoir mal aux cuisses un peu. 390 verges, c'est quand même pas pire. C'est bon, ben, quand on pense que Laval a fait 88 verges la semaine passée à 3 porteurs, 2 porteurs, c'est quand même quelque chose. L'autre bataille qui nous préoccupe, c'est celle du Mont-Royal, bien entendu. Dans ce cas-là, je pense qu'écoute, personnellement, je te dirais que j'ai l'impression que ça va être assez facile pour les Carabins. Je suis pas d'accord avec toi. Ah, mais c'est correct, t'as le droit d'être pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, puis j'ai m'étonne. L'impression, moi, que... Mais, écoute, McGill, présentement, ils ont un excellent corps arrière, Matt Connell, qui fonctionne très bien. Qui ne fait que de la passe. Qui ne fait que de la passe. Je pense que la tertiaire va avoir besoin de se bouger les fesses chez les Carabins, sinon ils risquent de perdre ce match-là. Si la tertiaire ne joue pas son A-game, ils peuvent perdre la game. Ah, tu connais, c'est ça. Là, je trouve que tu te commets fort. Je parce que... fort, mais tu sais comment j'aime les Carabins. Mais c'est ça, moi non plus. J'ai pas un grand amour pour les Carabins, mais malgré tout, la défensive est encore excellente. Quoique, bon, c'est sûr que, là, je vais te donner raison quand même sur un point, c'est que versus le Vert et Or, ce qui a fait mal, entre autres, aux Carabins, c'est la passe. Évidemment, ce que tu viens de dire par rapport à McGill, McGill étant unidimensionnel par la passe, bon, les Carabins n'auront pas le choix, ils vont devoir se préparer. Selon moi, je pense qu'ils vont faire des ajustements conséquents, parce que contre Laval, leur faiblesse n'a pas été sur la longue passe ou des trucs comme ça. Là. Je veux dire, ils ont bien travaillé, fait ce qu'il fallait à la défense. Je pense que Montréal ont dû se préparer en conséquence de jouer justement contre un gros passeur, jouer contre quand même... des bons receveurs aussi à McGill. Là. C'est pas des deux de pique non plus. Là. Donc, je pense que Montréal a dû se préparer en conséquence. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis écoute, je pense que tout le monde serait bien d'accord de voir McGill rebondir un peu. Puis ça rajouterait un peu de parité dans le circuit universitaire. Là. Est-ce que tout le monde serait content de voir McGill rebondir ou tout le monde serait content de voir Montréal descendre? C'est la question. Un peu des deux, je pense. Restons corporate. Exactement. D'ailleurs, écoute, parce qu'on parle des carabins, là, j'ai mis sur le forum une petite vidéo que vous allez avoir la chance de voir. Comme je fais partie du cercle des fans des carabins, je reçois leur publicité à chaque semaine. C'est notre espion, notre agent double. Exactement, l'agent double des carabins. Et cette semaine, j'ai reçu une magnifique vidéo des carabins dans laquelle vous allez voir le coach nous expliquer, entre autres, mon ami Marc, qui nous explique que justement le sepsum a cette particularité d'être particulièrement bruyante et que avec et si je me trompe pas, à la dernière partie, il y avait 3400 spectateurs. Mais c'était pas sold out. Et même si c'était sold out, à 5500 spectateurs, le coach Marc nous annonce que justement, le sepsum est beaucoup plus bruyant que le peps avec ses 15 000 spectateurs. Pour avoir participé à chacun des événements à peu près là, qui s'est passé au début avec le sepsum, avec tout ce qui se passe ici avec le Rouge et Or. Écoute, je ne sais pas Charlie, là, mais moi j'ai bien la misère à croire que ça peut être plus bruyant. C'est impossible. Ouais, parce qu'on le sait, hein, je veux dire, nous autres, on a eu notre période de prostitution et on a été, moi et Charlot, on a été animateur de foule pour les carabins à leur tout début. Dans le but d'aider les gens à apprendre à crier dans les bons moments. Puis je sais pertinemment que pour ce qui est de faire du bruit, ça s'est amélioré, mais c'était encore pas facile. C'est mieux qu'un stade comme McGill, par exemple. On va leur donner ça. Oui, effectivement. Mais bon, quand même, faut pas partir en peur. Mais il faut le donner, c'est sûr, au sepsum, il y a l'avantage de la montagne et du toit fermé aussi, qui fait une belle grosse bulle de son, mais... No way in hell que c'est aussi fort qu'à Laval. S'il vous plaît, Monsieur Santerre, prenez vos pelules. De toute façon, ceux qui ont déjà été pour ce qui est des fans du Rouge et Or, ils vont se rappeler là, que même si le stade est composé à 75% des gens des carabins, puis qu'on met le 25% de Laval dans un petit coin, ils ont beau être pas du côté justement couvert, parce qu'on est toujours les partisans de Laval, on est toujours placés sous la pluie, ça c'est automatique. C'est les sections réservées aux partisans de Laval. Écoute, c'est sûr que ça crie plus fort encore du côté de Laval. C'est toujours home field advantage au sepsum pareil. Exactement. Puis, écoute, Charlie, encore une fois, parce qu'on parle un peu du bruit de foule, là, je sais pas ce que tu en penses, mais on en parlait la semaine passée avec Jean-Philippe Gilbert, à quel point ça avait de l'importance. Je dirais que peut-être qu'on s'est habitué au goût de la victoire, mais même au peps, je dois admettre que j'ai senti qu'il y avait un petit peu moins de bruit versus, peut-être je dirais même il y a 2-3 ans où le bruit était absolument infernal. Je sens qu'on commence à avoir trop goûté la victoire. Là. Effectivement, je pense que oui, c'est très très fort. C'est encore une fois incroyable. Écoute, je suis allé aux Alouettes, là. C'est pas du tout la même chose. C'est loin d'être comme ça, là. C'est vraiment à 21 000 fans, à 11 000, on clenche le stade McGill n'importe quand. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, effectivement, on s'est probablement habitué à la victoire. Mais cette semaine, moi, je demande aux fans de Laval, là, on a de la grande visite qui s'en vient. Le coach McGrath. On a Jerry, puis on sait à quel point il aime le bruit. Mais oui, notre chum Jerry adore le bruit, adore Christian Côté. Écoute, c'est sûr qu'ils vont prendre une bière. C'est l'amitié entre les deux. C'est l'amitié. Alors, s'il vous plaît, réservez le plus bel accueil au coach McGrath, qui est, en dehors du terrain, la meilleure personne au monde, probablement. J'adore coach McGrath, je l'ai rencontré régulièrement. Sur le terrain, c'est une teigne, mais il joue bien son rôle et je l'adore pour ça. Puis écoutez, c'est question de bien l'accueillir. Un site web sur lequel vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, c'est cheeringstuff.com. Écoutez, c'est une entreprise qui est installée, entre autres, sur le boulevard Charest, à Québec. Puis ils vendent, c'est pas compliqué, ils vendent des Thunder Sticks, ils vendent à peu près tout ce qui existe pour faire du bruit pour le football, dont entre autres un espèce de gros klaxon qui s'appelle le 911. Écoutez, sur Internet, vous pouvez aller entendre le son de chacun des instruments. Ça vous permet de voir, là, parce qu'ils ont aussi les précieuses trompettes du carnaval, l'item de luxe. Mais le 911, en tout cas, semble-t-il, je vais essayer de m'en procurer un, réussit à atteindre vraiment des sommets là, dans le petit item là, assez facile. Puis je pense que ça se vend quelque chose comme une dizaine de dollars. Puis si vous êtes bien gentil avec la dame au téléphone, je suis à peu près certain que vous allez éviter les frais de transport en pouvant vous présenter directement là-bas chez Cheering Stuff. Cheeringstuff.com. Exactement. Écoute, mais là, justement, là, parce qu'on parle de la partie qui s'en vient, yes. Là, il faut absolument parler de la partie le retour à la maison de Laval et de Concordia. Effectivement. C'est sûr qu'après avoir vu la partie de la semaine passée, la performance fantastique de Milo et je dirais la performance, quand même, la bonne performance de l'offensive de Laval, parce que bon, le score indique peut-être pas tout à fait comment ça s'est passé. Il y a eu des échappées qui ont été coûteuses et une interception aussi coûteuse, évidemment dans la zone des buts. Ce serait que le tableau serait beaucoup plus élevé pour Laval. Je pense qu'encore une fois, Laval devrait écraser Concordia. Ben, si Cool Ben a encore une performance comme il y a eu la semaine passée, 32 en 38, c'est franchement là. On est en business. On est en business. Avec le nombre de cibles disponibles sur le terrain, on va trouver quelqu'un découvert. Écoute, Julian Fioli, c'est un first down à chaque attrapé. Pas compliqué là. Alors pour ça, on est en machine. Et au sol, ça n'a pas été une grosse saison comme on est habitué d'avoir au sol. On a toujours, souvent, là, on va passer les centaines de verges, mais on est toujours une menace quand même au sol. Je pense que ça va être. Je pense que c'est une question aussi de se placer, pour l'équipe de se placer, de s'ajuster, faire le timing nécessaire pour passer au sol. Puis je dirais que d'une certaine façon, à partir du moment où l'équipe adverse pense que tu vas être plus une menace par les airs, évidemment, la pression sur la ligne va être déjà un peu différente. C'est le moment souvent de rentrer avec la course au sol puis de commencer à faire des ravages pour ensuite beaucoup mieux se présenter encore plus par les airs. Écoute, et voilà. Je pense que Laval a la formule gagnante. Juste dire aux gens, par contre, j'arrive justement de l'entraînement du Rouge et Or ce soir. Pascal Baillargeon a été blessé hier à l'entraînement et ne sera pas en uniforme contre Concordia. Donc, c'est quand même un gros morceau. On sait qu'on a quand même de la bonne profondeur sur la ligne offensive. Alors, on va être capable de le remplacer sans problème. Mais quand même, Pascal Bergeon ne sera pas là en fin de semaine pour le match. Et pour ce qui est de Turmel? Oui, bien évidemment, M. Turmel, bon, on a entendu parler. Sa blessure semble moins grave que prévu. Alors, notre ami Nicolas est en béquille quand même. Mais là, on attend les prochains rapports. On va attendre. Il y a des gens qui parlaient qu'il serait peut-être en uniforme dimanche, c'est pas encore confirmé. Mais à ce moment-là, il serait remplacé par Sam Laveau, si je ne me trompe pas. Hein? Yeah, Sam Laveau devrait être... Qui va faire son premier match. Absolument, devrait jouer son premier match. Nos forumeurs l'attendent. L'attendent impatiemment, ça c'est bien connu. Ils ont hâte d'y voir la binette dans le milieu du terrain, dans une ligne de course, puis faire un face-à-face avec le running back. Donc, en tout cas, chose à prévoir, c'est que ça va être un excellent match. On espère que la pluie ne sera pas de la partie. Nous autres, on va être là pareil. On va être là au Tailgate le matin avec les gars du Charcoal. Du Charcoal. Alors, vous savez où venir nous rejoindre? Venez nous voir, venez prendre une petite mousse avec nous, ça va nous faire plaisir. Venez nous saluer parce que c'est sûr qu'on adore ça. On en a besoin aussi. C'est un petit peu notre façon de... On s'amuse avec Laval Fans, mais à partir du moment où, justement, on reçoit des bons mots d'encouragement, comme on en a régulièrement, mais je veux dire, pour nous, ça nous donne encore plus... le désir de poursuivre dans cette belle aventure, en fait. Parlant de nos forumers, Philippe, tu as oui. parti quelque chose d'extraordinaire. Tu as parti un nouveau sujet, le Temple de la Renommée. Le Temple de la Renommée, puis je dois admettre que j'aimerais dire que oui, j'ai eu la bonne idée, mais la bonne idée est venue de Mathieu, justement, du Charcoal, là, qui avait soumis l'idée l'année passée. Écoute, l'idée a fait son chemin. Ça se travaillait. Là, je pense qu'on en est rendu à l'étape où ça peut être important de commencer à faire un retour dans le passé, recommencer à ressasser des vieux souvenirs et revoir qui sont les joueurs qui nous ont particulièrement marqués et les bâtisseurs, bien entendu. Le sujet a commencé aujourd'hui, je pense. Ça a commencé aujourd'hui. Il y a déjà des bons noms qui ont été présentés. Un premier qu'on ne peut pas passer sous silence, tu parlais de bâtisseur Mike Labadie. Mike Labadie. Écoute, c'est sûr que ça serait difficile de... d'aller contre lui. Hein? On peut pas passer à côté de ce gars-là. Il a tellement travaillé fort pour amener le football à Québec et aussi son fameux livre Football 101. Le Football 101, qui est devenu une bible, en tout cas pour, je dirais, plusieurs fans, partisans qui veulent en savoir un peu plus sur le monde du football. Dans les autres noms qui sont sortis présentement, ben il y avait le, moi j'ai parlé de celui qui, en fait je l'ai fait avant que tout le monde le nomme, mais qui était plutôt un choix unanime, qui était Mathieu Bertrand. Bien entendu. Ça, c'était un must. Oui. Puis, mais encore là, je veux juste dire une chose. Je parle de choix unanime, mais les gens, présentement, font leurs suggestions. Ils vont soumettre des noms. Ensuite, un comité restreint va s'installer et va réfléchir sur chacun de ces noms-là et va décider cette année, est-ce qu'on ajoute 2, 3 noms. En fait, ils vont décider exactement sur les règles d'attribution là, des possibilités d'intégrer le temple de la renommée. Et on accroche leur chandail dans le gazebo où est-ce qu'on se trouve présentement? Ça peut être ça, mais sinon, l'idée est que présentement, une portion complète du site web à part va être dédiée à un temple de la renommée sur lequel on pourra retrouver justement statistiques et tout de chacun des joueurs avec, bien entendu, leur chandail de l'époque qui va être virtuellement accroché à un hypothétique toit du Super Peps. Puis il y a Mathieu aussi, justement, du Charcoal, qui avait lancé l'idée de peinturer les chandails sur la voiture. Écoute, ça sera une possibilité. Je sais que l'année prochaine, le Charcoal va justement se refaire une beauté. La voiture va être repeinte en grand, remis à neuf. Écoute, la voiture commence à avoir quelques années, mais elle va se refaire une beauté. Donc, on vous invite à continuer à soumettre vos noms. J'ai des bons noms, comme je disais, des noms, bon, je dirais des classiques. En même temps, il y a quelques noms qui sont ressortis, là, Bernard Gravel, entre Bernard autres. Bernard Gravel, Mathieu Brassard, qu'on a vu aussi. Moi, j'ai amené Alexandre Gauthier, qui, selon moi, mérite sa place là. Joueur de ligne, a joué plusieurs années à Laval, le premier à avoir une vraie carrière pro. Et moi, Philippe, on se parlait tout à l'heure en parlant de sushi à Ben Gros, puis je me disais, crime, ça prendrait aussi des membres honoraires de notre temple de la temple de la renommée. Des membres invités. Un joueur qui nous a fait particulièrement triper, Phil Gauthier. Phil Côté avec les GGs d'Ottawa pendant la période où les GGs étaient dans la conférence Québec. Écoute, c'est sûr que c'est le genre de personne qui pourrait être vraiment intéressante à ajouter là, dans un temple de renommée. Écoute, Laval commence à avoir une histoire de football. Je pense que c'est en plein temps avec... Écoute, on entend parler justement des Canadiens qui vont fêter leurs 100 ans. Bon, on n'en est pas rendu là à Laval, mais quand même, il y a un beau background. Je pense que c'est le temps là, qu'on se le remémore un peu, qu'on se rappelle des vieux souvenirs, qu'on voit les jeunes, là, j'entendais Ben Gros tantôt qui parlait justement de ce que lui se rappelait de l'époque de Laval. Je me disais, Seigneur, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup derrière aussi. Il suffit de regarder les estrades de Laval du début jusqu'à maintenant pour se rendre compte à quel point le PEPS a évolué. Donc, je pense qu'on en est rendu là, là, à se faire plaisir et à repenser aux vieux souvenirs. Effectivement, à quel point le PEPS a évolué, à quel point les chandails et les culottes ont évolué aussi. Je me souviens, au début, ça faisait ouf. C'était un peu... C'était très dénudé. Tout a changé. Les estrades, je veux dire, on a de la misère. Maintenant, on les voit, c'est acquis. On est tous contents d'avoir le Super PEPS. Mais il suffit de se rappeler les premières estrades. Le premier stade du Rouge et Or, écoute, c'est sûr que c'était complètement autre chose. Ceux qui ont vécu aussi les premiers tailgates, ben, d'une certaine façon, vont se ressasser aussi de bons et de mauvais souvenirs. Parce que les premiers tailgates étaient vraiment ce qu'on pourrait appeler du tailgate illégal. Oh, effectivement. Parce que on avait nos bières dans nos petits sacs de papier avec une glacière sur le bord du terrain. Pas sur le bord du terrain, mais sur le bord du stationnement. Puis on regardait alentour. Alors que maintenant, ben, on sait bien, le tailgate est devenu vraiment la référence pas mal au Canada. Il y a peut-être encore un ou deux endroits où on peut avoir une bonne compétition. Puis là-dessus, je pense à Saskatchewan. Parenthèse. Écoute, toute bonne chose à une fin. Je suis content que tu le dises. Et on a déjà eu une belle portion avec Benoît Gros, qu'on remercie encore une fois, parce que ça a été bien le fun de l'avoir. On se trouve pas mal chanceux d'émission en émission, parce qu'à chaque fois, on a d'excellents invités. Charlie, ben toi, on va te revoir encore sur les lignes de côté. On va être là. D'ailleurs, Philippe, j'ai pas eu le temps de voir si tu l'as mis en ligne, mais on va avoir un nouveau fond d'écran. de mon chum Christopher Milo. Qui est vraiment super. Moi, je l'ai déjà installé, mais oui, c'est vrai. Il n'est pas encore sur le site web. Alors, ça se place. Puis, juste parenthèse, Charlie, parce qu'on parle du site web. J'avais plusieurs personnes qui avaient de la difficulté à visionner le site web sur leur portable, leur iPhone. Il y a à peu près tout ce qui existe de possible pour visionner le site web directement sur leur mobile. Depuis hier, en fait, jeudi, maintenant, là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. J'ai déjà eu quelques bons commentaires là, sur la vitesse de téléchargement. Donc, je fais juste une parenthèse. Maintenant, vous pouvez en profiter là, même par les ondes de votre mobile. Là. Alors, Philippe, les couleurs de guerre dimanche? Ça va toujours être le rouge puis le or, c'est certain. Avec, écoute, on va être super accompagné, hein, je le dis. Là, Nick Gros-Louis, plein de personnages là, hétéroclites qui se joignent à notre bande de fous, là, qu'on aura bien du fun. Exactement. Fait que surveillez-nous autant dans le tailgate que sur le bord des lignes de côté. Puis n'hésitez pas à venir nous voir. Et ben, écoute, je te laisse le mot de la fin, Charlie.